Chapitre 5e, un sauveur qui tombe des nues. Le charmant cottage de la baie de Hudson, si joyeux naguère, était devenu d'une tristesse mortelle. Un simple coup d'œil jeté sur le jardinier qui précédait la maison suffisait pour faire comprendre que le malheur venait de s'y abattre. Les choses inanimées ont leur voix, et l'abandon dans lequel on les laisse se traduit souvent d'une manière éloquente. Ève et Marcel, depuis le jour où la crise s'était déclarée, vivaient presque dans une solitude complète. Le matin, leur mari se rendait au siège de la société et ne rentrait chez eux que le soir, harassés de fatigue et dévorés d'inquiétude. Malgré tous leurs efforts pour faire honneur aux engagements contractés, l'heure fatale allait sonner. Deux traites de 50 000 $ chacune furent présentées et ne purent être payées. Aussitôt les poursuites, avant-coureurs de la faillite, commencèrent. Claire Lucet et Lavernay, qui étaient peu au courant des lois américaines, allèrent consulter un avocat de New York, très renommé pour son savoir et son habileté. Lorsqu'ils lui eurent exposé la situation, celui-ci leur demanda ce qu'ils avaient l'intention de faire. « Nous voudrions obtenir un sursis de quelques jours, » répondit M. de Carlucet, « afin de réunir les actionnaires et les décider à empêcher la vente judiciaire des puits de Pennsylvanie et du matériel en créant de nouvelles ressources à la société au moyen de l'émission d'un certain nombre d'obligations. « Montrez-moi les actes de la procédure, » répliqua le jurisconsulte. Lavernay les lui remit. « Cette procédure enferme une irrégularité, » dit l'Américain, après un examen minutieux. « La pièce que voici ne porte pas la mention de la signification au directeur de la société. » Le baron Hawker a cessé de se présenter dans nos bureaux, repartit Kerlusset, et cette circonstance explique l'absence de son nom sur la signification. « Peu importe la cause de l'irrégularité, » répliqua l'avocat consultant. « Elle existe, et dès lors nous avons le droit d'en profiter. Laissez-moi ces papiers, et je vous obtiendrai le délai que vous demandez. » Lavernay et Kerlusset remercièrent chaleureusement l'Américain. Celui-ci, surpris de la joie qu'il manifestait, hocha la tête. « Vous espérez donc vous tirer d'affaire grâce à l'émission d'obligations nouvelles ?» dit-il d'un ton grave. « C'est une erreur. Votre société est condamnée. Le baron Walker, ce n'est un secret pour personne, est de connivence avec un autre fripon, Nathaniel Frog. La formation de l'Union syndicale des bois ferrés et l'augmentation des tarifs sont de véritables coups de maître. Walker et Frog rachèteront les puits à un prix dérisoire et le tour sera joué. C'est un vol au premier chef, je le sais par Dieu bien, mais il est parfaitement légal. Votre situation est désespérée, un miracle seul peut vous sauver. » Pendant que cet entretien avait lieu dans le cabinet de l'avocat consultant, le miracle arrivait de France et débarquait sur le quai de New York sous la forme de Maître Maxou. Le fond et le pouvoir de Miss Colfax, sans même prendre le temps de faire un bout de toilette, était monté dans un cab et s'était fait conduire au cottage de Hudson. Ève et Marcel étaient seuls au salon lorsque leur servante leur annonça la visite d'un étranger. Les deux jeunes femmes échangèrent un regard qui signifiait « Quel peut être cet étranger et que nous vaut-il » « Faites entrer, » répondit Marcel. Quelques secondes plus tard, Maître Maxou était introduit. Ève et Marcel, en le reconnaissant, poussèrent un cri de joie. Elles avaient compris qu'il apportait le secours demandé à leur ancienne institutrice. « C'est Flavia qui vous envoie, fit Ève, c'est elle, » répondit le jeune avocat en leur pressant les mains. « Mais suis-je au moins arrivé à temps ?»« Nous l'espérons, » dit Marcel, « car la faillite n'est pas encore déclarée. »« Alors tout est pour le mieux, » fit Maître Maxou en respirant. « Mais apprenez-moi comment une société riche à millions a pu en arriver là en quelques mois. Ceci est inexplicable. » Marcel fit rapidement l'historique de l'affaire. « Le misérable, » dit l'avocat lorsqu'elle eut achevé. « Mais me voici, et la spoliation qu'il a méditée ne s'accomplira pas. » Et avant tout, ajouta-t-il, il m'importe de voir vos maris. Où puis-je les trouver ? Au siège de la compagnie, répondit Marcel. Mais voici le point délicat. Maurice et Amaury ignorent que nous avons envoyé à Flavia un télégramme dans lequel nous l'appelions à notre aide. Je comprends, dit Maître Maxou en souriant. Soyez sans crainte, je ne vous trahirai pas. Il se retira sur ces mots, laissant Ève et Marcel complètement rassurés sur l'avenir et le cœur rempli d'une joie inexprimable. Le vicomte de Kerlusset et le baron de Lavernay, en sortant de chez l'avocat consultant, étaient retournés au siège de leur compagnie et enfermés tous les deux dans leur cabinet, ils s'entretenaient tristement de la situation présente lorsqu'un huissier de service leur apporta une carte. Pierre Lucet, en lisant le nom écrit sur cette carte, crut un moment qu'il rêvait. Puis il se leva, sortit et rentra bientôt avec Maître Maxou. Nous ne raconterons pas la conversation qui eut lieu entre les deux beaux-frères et le fondé de pouvoir de Miss Colfax. Ce serait tombé dans des redites inutiles. Lorsque le jeune avocat eut recueilli les renseignements qui lui étaient indispensables pour agir, il se résuma en ces termes. « Nous avons, dit-il, tout le temps nécessaire afin d'empêcher que la faillite soit prononcée. 100 000 $ pour rembourser les deux traites en souffrance ne sont pas une affaire. Ils seront, s'il le faut, versés ce soir même dans les mains des créanciers poursuivants. Ne sera-t-il permis, demanda Maurice de Lavernay, de connaître le nom de la personne qui vous envoie juste à point la veille d'un désastre pour nous offrir ses services ?»« J'allais vous adresser la même question, » dit Kérolucet à Maître Maxou. « Je pourrais vous répondre, » répliqua le jeune avocat, « que ces millions sont à moi, et que j'ai le droit d'en faire tel usage qu'il me plaît. Mais à des hommes comme vous, je dois la vérité tout entière. Les millions que je viens offrir à la Société Générale des Huiles Minérales appartiennent à Miss Colfax. C'est elle qui m'envoie près de vous, munie de ses pleins pouvoirs. » « Dans ce cas, il nous est impossible d'accepter, » répondit le baron de Lavernay. Flavia Morin, aujourd'hui Miss Colfax, regrette sans doute ses terribles vengeances d'autrefois. Elle voudrait étouffer ses remords à l'aide des millions qu'elle nous fait proposer. C'est fort bien, mais il ne me plaît point, pour ma part, de recevoir l'aumône d'une telle main. Mieux vaut la misère. « Je pense absolument comme Maurice, » dit à son tour le vicomte de Kerlucet. « Je sais que Mademoiselle Morin avait été victime d'une atroce calomnie et que ce qu'elle a fait n'était que l'application de la peine du talion. Mais le sang a coulé. Nous sommes les gendres de la duchesse de Vallombreuse, et entre Miss Colfax et nous, il y a une morte. » « Et le cadavre de mon père ?» interrompit Maurice. « Si Madame la duchesse de Vallombreuse, Monsieur de Kerlucet, si votre père, Monsieur de Lavernay, pouvaient sortir de leur tombeau, » répliqua vivement Maître Maxou, « il vous conseillerait l'oubli du passé. » Les maris d'Ève et de Marcel secouèrent la tête en signe de dénégation. « Consultez les filles de la duchesse, » continua le jeune avocat, « et vous verrez qu'elles ont conservé leur affection à leur ancienne institutrice, parce qu'elles ignorent et qu'elles ignoreront toujours le terrible mystère de la mort de leur mère, » répondit le baron de Lavernay. « Sans cette ignorance, » repartit le vicomte, « elles se joindraient à nous et repousseraient avec indignation le salut que nous offre Miss Colfax. » « Puisqu'il en est ainsi, messieurs, puisque le pardon est si loin de vos cœurs, » reprit Maître Maxou avec véhémence, « ce n'est plus au gendre de la duchesse de Vallombreuse que je m'adresse, c'est à l'ingénieur en chef et au secrétaire général. En cette qualité, vous n'avez le droit, ni l'un ni l'autre, de condamner la compagnie, dont vous êtes les administrateurs, à une mort certaine, faute du concours qui lui est offert et qu'il vous plaît de refuser. S'il le faut, c'est auprès des actionnaires que j'interviendrai, et nous verrons ce qu'ils me répondront lorsque je leur proposerai de sauver une situation qu'ils considèrent à cette heure comme complètement perdue. « Mais ce concours dont vous parlez n'est qu'une aumône déguisée, » repartit Lavernay, chez lequel, on le conçoit, la résistance était plus accentuée en raison de ses griefs personnels et directs contre Miss Colfax. « Ce n'est ni une aumône, ni même un secours, » répondit habilement l'avocat, « c'est au contraire une spéculation excellente que je compte faire au profit de ma cliente. » « Une spéculation ?» firent simultanément les deux beaux-frères avec étonnement. « Veuillez répondre à mes questions, » continua le fondé de pouvoir de Miss Colfax, « et je vous expliquerai ensuite mon projet. Quelle est la cause de la ruine de votre compagnie ? L'augmentation des tarifs de transport des chemins de fer du Grand Ouest, n'est-il pas vrai ?»« Sans aucun doute, » dit Lavernay. « Si l'on supprimait cette cause, la compagnie serait-elle sauvée ?» poursuivit Maître Maxou. « Oui, » répliqua Kerlucet. « Alors le dilemme à résoudre est celui-ci, messieurs, remplacez le Grand Ouest par un autre railway. » Le baron et le vicomte se regardèrent et leurs yeux brillèrent. Ils commençaient à comprendre. Ce second railway, qui desservirait nos puits de Pennsylvanie, serait assurément le salut, repartit Kerlucet. « Eh bien ?» « Que diriez-vous, continua l'avocat, si cette voie nouvelle de communication était construite par votre compagnie ?»« Dans ce cas, ce serait mieux que le salut, » dit Maurice de Lavernay. « Ce serait la certitude de bénéfices énormes, car la compagnie effectuerait ses transports à des prix relativement minimes. » À quelle dépense approximative évaluez-vous l'établissement de ce railway ? Demanda Maxou à M. de Kerlusset. L'ingénieur en chef prit un crayon, fit ses calculs, et au bout de quelques instants, il répondit. 10 millions suffiraient. Contrairement à ce qu'on fait en France, ici, nous procédons économiquement pour la construction des voies ferrées. Si une rivière nous barre le chemin, nous la traversons sur un pont en bois. S'il y a un abîme à franchir, nous jetons dessus ces énormes poutres si abondantes dans les forêts de l'Amérique. Il se produit bien de temps à autre quelques dommages, mais ils sont vite réparés et le lendemain on n'y songe plus. Combien pensez-vous qu'il faille de temps pour établir un nouveau chemin de fer ? Environ 2 mois. Alors viva ! Exclama joyeusement l'envoyé de Miss Colfax. Ma mission est remplie. La Société Générale des Huiles Minérales, comme le Phénix, renaîtra de ses cendres. Comment cela ? Fit Lavernet. C'est bien simple. Demain, m'avez-vous dit, vous devez réunir vos actionnaires et leur proposer d'émettre 15 millions d'obligations. Un rêve que j'ai fait, comme on en fait tant, murmura Kerlusset. Le placement de ces actions est matériellement impossible dans la situation actuelle de la compagnie. Il est au contraire assuré, répliqua Maître Maxou, puisque je souscrirai, au nom de Miss Colfax, pour le montant intégral de ces obligations, qui rapporteront 7% d'intérêt avec constitution de privilèges hypothécaires. Trouvez-vous à présent, messieurs, que l'argent que je vous propose soit une aumône ? J'attends votre réponse. Les deux beaux-frères réfléchirent pendant quelques instants. Plus j'interroge ma conscience, et ensuite le vicomte de Kerlusset, plus elle m'affirme que je n'ai pas le droit de repousser la planche de salut que vous offrez aux actionnaires de la compagnie dont je suis l'ingénieur. Lavernat essayait de protester contre ces paroles, mais Amaury l'arrêta par un geste. « Oui, mon cher Maurice, votre loyauté, comme la mienne, vous défend de refuser les propositions qui nous sont faites, n'importe d'où elles viennent. Ah, s'il ne s'agissait que de nos intérêts personnels, nous pourrions les récuser. Mais il s'agit de la fortune des autres, dont nous sommes matériellement responsables, et notre refus serait un acte déloyal. » Lavernet, vaincu par ce raisonnement, inclina la tête en signe d'adhésion. « Si l'argent que je vous apporte vous pèse trop, dit l'avocat, je puis vous rassurer en vous annonçant que probablement vous n'en aurez pas besoin. Expliquez-vous, fit vivement Maurice, qui ne s'était rendu qu'à contre-cœur. Pensez-vous donc, répondit Maître Maxou, que la compagnie du Grand Ouest ne mettra pas les pouces dès qu'elle sera convaincue que vous pouvez vous passer de ces voies ferrées ? Vous n'aurez pas plutôt commencé les travaux qu'elle viendra à vous, repentante et soumise, vous supplier d'accepter ses anciens tarifs. C'est présumable, dit Kerlusset. Si vous consentez à pardonner, reprit en riant le fondé de pouvoir de Miss Colfax, je vous conseille de lui tenir la dragée haute et de lui faire payer les frais de la guerre qu'elle vous a déclarés. À votre place, j'exigerai l'abaissement d'un cinquième au moins des anciens tarifs garantis par un traité en bonne forme pour une durée de 20 ans. On réjamera d'abord, puis on finira par capituler. Ce n'est pas douteux, repartit Lavernet, qui entrevoyait avec joie l'espoir que les millions de la riche héritière ne seraient point nécessaires. Puisque nous voici enfin d'accord, dit Maître Maxou en se levant, vous me permettrez de prendre congé de vous afin de m'enquérir d'un logement. Nous nous mettons à table à 7 heures, dit Kerlusset, et j'accepte avec plaisir votre invitation, fit l'avocat, sans laisser à l'ingénieur le temps d'achever sa phrase. Le repas de famille auquel le fondé de pouvoir de Miss Colfax avait été convié fut des plus gais. Le petit cottage de la baie de Hudson, désormais à l'abri de l'orage, avait repris sa riante physionomie d'autrefois.